Le gras, c'est la vie, selon un fameux personnage d'une série télévisée. Cette expression est passée aujourd'hui dans le langage courant, généralement pour justifier toute forme d'excès de table à grand renfort de charcuterie ou de fromage de préférence industrielle. Mais le gras, c'est la vie, est en fait bien plus fondé scientifiquement. Notre organisme a besoin de graisse, d'acide gras pour fonctionner, et le tissu adipeux, notre bonne vieille graisse corporelle, est un organe à part entière qui protège les autres organes, les organes vitaux, qui jouent le rôle d'isolant thermique et produit même ses propres hormones. Nos sociétés ont-elles jeté trop vite l'opprobre sur les graisses? L'heure de la réhabilitation a-t-elle sonné? La quête du gras, c'est le programme copieux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà, et pour faire l'apologie, alors je vous entends tout de suite vous dire c'est formidable, on va pour se ruer sur les plats gras en sauce. Pas du tout, c'est pas du tout notre programme aujourd'hui. On va essayer de faire l'apologie du bon gras, de vous expliquer ce que c'est que le gras, comment le consommer et pourquoi finalement on l'a peut-être effectivement un peu vite jeté aux orties. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en duplex depuis les studios de nos camarades de Radio France à Lyon, Béatrice Moriot, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Société française de nutrition, directrice de recherche au département de l'alimentation humaine à l'INRA. Et nous sommes ici en studio à la Maison de la Radio à Paris avec Philippe Legrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du laboratoire biochimie nutrition humaine à l'agrocampus de Rennes. Vous pouvez suivre cette émission en direct sur les ondes, en différé sur franceculture.fr ou en podcast via votre application préférée. Mais comme d'habitude, toujours en complément, hein, en vous abonnant à notre fil Twitter, @laméthodefc, où nous publions bien tout au long de l'heure des compléments d'informations, des études, des références, des schémas et des graphiques qui vous permettent d'enrichir votre écoute de cette émission. Ceci étant dit, eh bien nous avons dans les pays occidentaux une alimentation qui est devenue au cours du XXe siècle par rapport aux époques précédentes plus riche, trop riche même. Et dès le milieu du siècle précédent, les messages commencent à passer pour limiter nos apports alimentaires. Écoutez cette archive de la radiodiffusion française, nous sommes en 1957. Quand on mange, il y a un certain nombre de calories dans les aliments que l'on mange. Quand on mange, par exemple, un beefsteak, il y a un certain nombre de calories. La sauce du beefsteak a deux fois plus de calories que le beefsteak. Ce qui fait qu'un homme normal qui ne fait pas un travail physique ne doit pas, en principe, consommer plus de 2000 ou 2500 calories par jour. Oui. Eh bien, si nous mangeons à la française, les sardines qui baignent dans l'huile, le pain, le beurre, la viande dans la sauce, les pommes de terre, le fromage, les fruits, l'entremets, l'alcool, le pousse-café, c'est effrayant le nombre de calories que l'on prend en un seul repas. Et comme on recommence le soir, bien tous les jours, il y a un excédent de calories. Et à la longue, cet excédent de calories qui n'est pas brûlé donne la graisse. Voilà, Philippe Legrand, qu'est-ce qu'on en pense de cet archive de 1957? C'est un peu résumé, mais c'est dans le fond plein de bon sens. Ce qui s'est passé, pour résumer l'histoire du gras, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, où évidemment les gens sont morts de beaucoup d'autres choses et ne mangeaient pas tout à fait à leur faim, les lipides, l'énergie, l'alimentation étaient tellement disponibles que je crois que nos grands-parents étaient très gourmands. Et qui dit gourmand dit forcément consommation de lipides, puisque c'est dans les lipides que sont les arômes. Et donc c'est ça qui donne du goût. Ils y ont été un petit peu forts, et évidemment, le surpoids, le début des épidémies, qui était quand même assez inconnu avant, puisque finalement, on a passé 2 millions d'années à chercher, si possible, à manger, et seulement 50 ans, ce qui correspond à votre reportage, où on a des problèmes d'excès, d'énergie. Et finalement, ce reportage montre bien, c'est un excès d'énergie. Après, ça a décliné, on le verra peut-être si vous le souhaitez, vers la haine des lipides, on peut la qualifier comme ça. Mais avant tout, c'est bien un problème d'excès d'énergie par rapport à la dépense, qui est très bien dit dans votre reportage. Béatrice Moriot, votre réaction également à cette archive? Oui, j'allais rebondir exactement sur les derniers termes de Philippe concernant le bon sens en fait de ce reportage. Il est un petit peu direct, mais néanmoins, c'est vrai que tout le problème vient du déséquilibre entre les apports énergétiques et bien sûr, malheureusement, les lipides sont les macronutriments les plus riches en énergie, avec 9 calories par gramme, contrairement à 4 calories pour les glucides ou les protéines. Donc, de ce fait-là, ça les place déjà du mauvais côté de la balance. Et ce déséquilibre aussi, c'est lié à la diminution de l'activité physique. Cette dame l'a très bien précisé au début de son reportage, c'est lorsqu'on a une activité physique insuffisante, eh bien, on se place beaucoup plus facilement dans une situation de déséquilibre énergétique, et le fait de manger un petit peu plus de façon gourmande va favoriser l'excès énergétique. Il faut bien voir que dans la balance, il y a l'importance de l'activité physique, de la dépense énergétique, et après la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à promouvoir la motorisation, le déplacement en transport en commun avec les véhicules motorisés, et ça a largement participé aussi à la diminution de la dépense énergétique. Vous disiez quelque chose d'intéressant, Philippe Legrand. On a passé 2 millions d'années, au contraire, à essayer de retenir cette énergie. Les graisses ne se stockent pas pour rien, on va y revenir. Et finalement, 50 ans maintenant, à les chasser, il y a tout de même une sorte d'organisation de chasse au gras depuis cette deuxième partie du XXe siècle. Oui. Alors effectivement, les lipides sont la forme la plus ramassée du stock du fuel énergétique, puisqu'ils sont beaucoup plus légers pour un apport calorique égal que les glucides ou même les protéines, pour lesquelles il n'y a d'ailleurs pas de stock. Et du coup, dans l'évolution, en particulier des animaux, si on avait notre énergie transportée sous forme de glucides, en fait on ne pourrait pas avancer, les oiseaux ne pourraient pas décoller, parce qu'en gros il y a un rapport de poids de 1 à 6. Donc 2 millions d'années d'évolution pour tout concentrer en lipides dès lors qu'on met un petit peu de côté. Voilà. Et ça explique aussi pourquoi d'un seul coup la haine s'est tournée d'abord vers les lipides. On verra peut-être que maintenant elle se tourne un peu vers les glucides, mais s'est tournée d'abord vers les lipides car c'est bien en lipides qu'apparaît notre stock excédentaire. Une bedaine d'homme, c'est des lipides. Les fesses très larges de côté féminin, ce sont des lipides. Mais ça ne veut pas dire, et c'est ça l'erreur historique qui a été faite, ça ne veut pas dire qu'on a mangé trop de lipides. Ça veut simplement dire qu'on n'a pas dépensé toute l'énergie, y compris glucidique et y compris alcoolique dont personne ne parle, et qui s'est forcément transformée en lipides. Toutes les histoires de bouffe se terminent en lipides, même si on n'a pas surconsommé de lipides. Et donc voilà pourquoi c'était logique, sans faire aucune théorie de complot. On ne pouvait sans doute pas faire l'économie de cette haine temporaire des lipides, puisque finalement c'est bien ce qu'a dit Béatrice aussi, c'est équilibrer les apports et la dépense qui nous a joué des tours dès lors qu'on avait le chauffage, la sédentarité, etc. Mais ça a duré un peu longtemps, cette haine de lipides, donc c'est pour ça que c'est une bonne idée d'en reparler. Mais tout à fait, et Béatrice Morieux, c'est intéressant de dire qu'effectivement, l'évolution a sélectionné ces lipides, notre organisme, pour les conserver, parce qu'on n'a pas les apports de nourriture de manière régulière. On sait que la chasse est irrégulière, qu'il y a des saisons où on trouve beaucoup plus de nourriture, beaucoup plus sucrée, que le reste du temps, on n'en trouve pas. Donc au contraire, finalement, pouvoir stocker des lipides, c'est une bonne chose, énergétiquement parlant, physiologiquement parlant, c'est nécessaire à la survie de l'espèce humaine et des espèces animales. Ah, tout à fait. Savoir stocker des lipides, c'est indispensable à la capacité de survie. Si on n'a pas de stock de graisse suffisante, on compromet son pronostic vital, notamment durant les périodes de grand froid, de grand stress environnemental. Il faut avoir suffisamment de réserves pour pouvoir se défendre et apporter l'énergie nécessaire à notre organisme pour se défendre. Mais comme vous disiez, au-delà de ça, au tout début de l'interview, au-delà d'une simple réserve de lipides indispensables à la survie de l'organisme, le tissu adipeux, la masse grasse, est aussi un organe biologiquement actif qui va réguler bon nombre de fonctions de l'organisme. Et on va y revenir dans quelques instants. Un dernier mot peut-être pour conclure cette partie introductive. Philippe Legrand, vous dites que paradoxalement, cette offensive contre le gras, contre les matières grasses, la culture de l'alléger, entre guillemets, a fait beaucoup plus de dommages que de bien à nos sociétés occidentales, parce qu'on parle évidemment dans un contexte de société occidentale de surconsommation de nourriture et d'énergie. Oui, alors ce qui a fait du mal, c'est un petit peu la mauvaise perception du principe d'incorporation, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, ce qu'on voit quand on est trop gros, c'est bien des lipides, et donc c'est de simplifier en disant si j'en ai là, c'est que j'en ai trop mangé, ce qui était donc pas vrai. Alors les allégés, c'est un autre problème, c'est comment dédouaner les gens finalement pour qu'ils aient l'impression de manger autant et finalement qu'ils évitent ces maladies de pléthore. En fait, les allégés ont été conçus d'abord comme allégé en lipides, puis quelquefois allégé en sucre. Mais hélas, le seul allègement qui aurait valu, c'est allégé en énergie totale. Or, il se trouve que, globalement, les allégés en lipides étaient enrichis en sucre, et les allégés en sucre étaient enrichis en lipides. Donc, ça n'a pas beaucoup, beaucoup fonctionné. Et d'ailleurs, finalement, la société n'y trouve plus beaucoup d'intérêt, je crois. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10 sur France Culture, nous tâchons de réhabiliter les graisses, le gras, la matière grasse, le tissu adipeux, le tissu adipeux, c'est intéressant comme lapsus, le tissu adipeux, les lipides, bref, tout ce qui nous permet de stocker de l'énergie et de faire fonctionner, comme nous allons vous l'expliquer dans quelques minutes, un certain nombre de nos organes et de nos cellules. Nous en parlons avec Béatrice Morieux qui est avec nous dans Duplex de Pillon et avec Philippe Legrand ici à Paris. Alors peut-être Béatrice Morieux, pour commencer, une définition, qu'est-ce que c'est que le gras, notre graisse corporelle, c'est quoi ? Alors notre graisse corporelle, c'est une réserve d'énergie, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est un tissu qui est dédié vraiment au stockage des lipides qui ont pour origine l'alimentation. Et c'est pas seulement les lipides de l'alimentation, c'est les lipides qu'on est capable de synthétiser dans notre organisme, on appelle ça de façon endogène, à partir d'autres macronutriments, comme par exemple un excès de sucre va être très bien transformé en lipides dans le foie, et cet excès de lipides va ensuite être stocké temporairement dans le foie et à plus long terme dans la masse grasse. Donc c'est un lieu de stockage des lipides. Il a un rôle isolant, il protège les organes vitaux, il stocke l'énergie indispensable à libérer pendant les périodes de grand jeûne, les disettes. Et puis c'est aussi un organe endocrine, c'est-à-dire qu'il va synthétiser un grand nombre de facteurs, des hormones, des facteurs protéiques qui vont avoir des rôles biologiques importants pour l'homéostasie métabolique de l'organisme. Alors pour exemple, je vais citer par exemple une hormone qui a été découverte il y a quelques années maintenant, qui s'appelle la leptine. Et on sait que si on ne sécrète pas ces leptines, on va être hyperphagique. On n'est plus capable de réguler sa prise alimentaire et on va manger. Il n'y a plus de signal de satiété et d'arrêt pour manger. Si on sécrète de la leptine, c'est grâce à nos adipocytes, à notre tissu adipeux. Le tissu adipeux va aussi sécréter plein d'autres hormones, des facteurs qui vont réguler le métabolisme énergétique, la vascularisation, l'état inflammatoire de l'organisme, la défense antioxydante. Vous voyez, il est très protecteur dans ce cas-là. Philippe Legrand, ça fait peu de temps qu'on considère ce tissu adipeux comme un organe à part entière. Alors c'est vrai, historiquement c'était même un réservoir. Donc un réservoir, c'est une cuve, hein, une cuve qu'on remplit, et si elle est un peu trop pleine, ça se voit. C'est vrai que ça fait seulement une vingtaine ou trentaine d'années que sont découvertes, ce que Béatrice vient vous citer, c'est-à-dire les activités sécrétoires et endocriniennes du tissu adipeux. Mais là, ce que Béatrice vous a décrit, c'est le tissu qui se voit, le gras qui se voit. Mais c'est loin d'être l'essentiel, si j'ose dire. C'est historiquement le fuel, etc. Mais les lipides, en fait, ont également des rôles primordiaux, vitaux dans des tas d'autres tissus. Et celui qu'on peut citer en premier en collant exactement aux recherches actuelles, c'est le cerveau d'abord, qui est donc le deuxième tissu gras après le tissu adipeux. C'est notre cerveau. Et là, ce sont des rôles non pas de réserve énergétique, comme c'est le cas du tissu adipeux, mais c'est des rôles de structure, de fonctionnement neuronal, des cellules gliales et des astrocytes, par exemple. Et c'est la structure même du cerveau qui nécessite énormément de lipides, mais avec cette fois, contrairement au tissu adipeux, où là, n'importe quel acide gras fait l'affaire, puisque finalement, c'est de l'énergie, on le brûle, c'est du fuel. Là, cette fois, dans le cerveau, ce sont des acides gras bien, bien particuliers, dont le chef de file s'appelle le DHA, qui est un acide gras oméga-3, et que l'histoire avait nommé cervonique, et C-E-R-V-O-N-I-C, parce que c'était anglo-saxon, cervonique acide. Et là, donc, on entre dans l'aspect structural des lipides, et non pas seulement le fuel. En masse, ça représente moins, mais en importance, et on peut le développer, c'est évidemment la structure du cerveau et les membranes de toutes les cellules de l'organisme, le foie, etc. Donc à la fois un rôle de réservoir de fuel, mais en même temps, effectivement, un rôle structurant extrêmement important, Béatrice Morieux. Ah, tout à fait, tout à fait. Il est structurant, il participe aux membranes, membranes cellulaires, tous les organites intracellulaires, et ça va être aussi un métabolite bioactif en lui-même, c'est-à-dire qu'il va participer à bon nombre de réactions biochimiques qui vont signaler à la cellule comment elle doit s'adapter. Par exemple, un acide gras, selon sa conformation, sa formule chimique, va pouvoir interagir avec des récepteurs nucléaires, qu'on appelle les pipars, et orienter le métabolisme intracellulaire, favoriser le stockage des lipides, favoriser leur oxydation dans la mitochondrie, adapter la cellule. D'autres acides gras, selon leur formule chimique, vont être des substrats d'enzymes comme la cyclooxygénase, la lipooxygénase, et produire des métabolites bioactifs indispensables au fonctionnement de la cellule. Mais là, je crois que je vais laisser la parole à Philippe, parce qu'il est vraiment un spécialiste dans ce domaine. Mais Philippe Legrand, alors, du coup, sur ces rôles structurels alors, pour la biologie. Vitaux pour les membranes, comme l'a dit Béatrice, et vitaux aussi pour tous les dérivés d'acides gras. Ouais. Alors là, on ne parle que d'une classe d'acides gras, les indispensables, qui sont donc des nutriments qui respectent la définition des indispensables. C'est un, on ne sait pas faire, donc on ne peut pas les synthétiser, on doit les trouver dans l'alimentation. Et deux, parce que ne pas savoir faire quelque chose, c'est pas très grave. Deux, on en a besoin sous peine de mort ou en tout cas de troubles importants. Et donc, c'est les fameux oméga 6 et oméga 3. Et c'est ceux-là qui sont substrats des médiateurs oxygénés avec des rôles vitaux. En particulier, je n'en citais que deux, l'agrégation plaquettaire. Elle est réglée, c'est-à-dire en plus ou en moins, par les deux familles d'acides gras. Donc ça, c'est l'agrégation plaquettaire et l'inflammation. Ce qui permet de cicatriser, ce qui permet, ce qui permet de limiter une hémorragie. Donc, voilà. Et l'autre, c'est l'inflammation. Donc l'inflammation, alors pas l'inflammation quand on se coupe, quand on se blesse, ça fonctionne comme ça aussi d'ailleurs, mais l'inflammation à bas bruit, c'est-à-dire ce qui se passe comme niveau inflammatoire léger dans nos artères, ça, ce sont des sujets très récents et qui ont conduit à observer que c'est bien les équilibres entre les deux familles d'acides gras, oméga 6 et oméga 3, tous indispensables, qui permettent d'éviter ou en tout cas de retarder les inflammations cardiovasculaires. Alors je vais renvoyer les auditeurs à deux émissions que nous avions, une première que nous avons consacrée justement aux cellules gliales et où on évoquait l'importance des lipides, on avait passé une heure là-dessus, et puis l'autre émission que nous avions précisément consacrée à ces nouvelles recherches dans le domaine de l'inflammation à bas bruit, on avait développé ça assez largement et c'était tout à fait passionnant, on va vous mettre ces liens sur le fil Twitter de l'émission. Avant d'arriver, parce que c'est intéressant d'arriver, de redescendre effectivement au niveau moléculaire et de comprendre ce que sont ces acides gras, qu'est-ce qu'on parle d'oméga 3, d'oméga 6, de conformation, vous allez nous expliquer tout ça, mais avant ça, j'aimerais peut-être une dernière question de type métabolique. Béatrice Morio, pourquoi est-ce que les réserves de tissus adipeux sont métabolisées différemment en fonction du sexe? Alors, elles sont sous l'influence des hormones sexuelles, notamment des œstrogènes, qu'on dit favoriser le stockage des graisses au niveau sous-cutané, alors que les hormones androgènes vont plutôt favoriser le stockage des graisses dans la masse grasse viscérale qu'on dit intra-abdominale. D'une façon générale, quand même, le tissu adipeux sous-cutané va fonctionner globalement de façon comparable entre les hommes et les femmes. Après la ménopause, une femme est sur le même statut hormonal et de tissu adipeux par rapport à l'homme, puisqu'elle a plus ses hormones protectrices œstrogènes, notamment pour réguler, favoriser en fait son tissu adipeux sous-cutané. Après la ménopause, on va voir des femmes développer du tissu adipeux intra-abdominal comme les hommes. Donc c'est vraiment, je dirais, la présence des œstrogènes qui va distinguer pendant de nombreuses années la femme et son stockage préférentiel sous-cutané par rapport à l'homme. Il y a une répartition un peu géographique, si on peut dire. Enfin, c'est anatomique, mais c'est-à-dire dans le règne animal, donc une femelle animale ou une femme a vocation quand même à porter la vie. Et donc, effectivement, je vais pas dire que c'est une poire pour la soif, mais le besoin lié à la reproduction fait que les femmes ont quand même tendance à stocker plutôt autour du bassin. C'est étudié comme ça, toujours un petit peu plus de lipides que les hommes, qui sont censés eux pouvoir depuis la nuit des temps, chasseurs-cueilleurs, s'ils sont un peu à court d'énergie, ils vont quand même manger aussi des glucides pour repartir. Mais la femme, elle a besoin d'un stockage très profond parce qu'il peut arriver des tas de choses pendant un certain nombre de mois de gestation chez l'animal ou de grossesse chez la femme. Ça va favoriser aussi le stockage des graisses au niveau des mamelles ou des seins pour pouvoir assurer l'allaitement. Et le lait est très très riche en lipides puisqu'il en contient en moyenne, je dirais, 50% de son énergie. Ah oui, de l'énergie, mais ça fait que 4% en masse. Alors ça, c'est pour les graisses corporelles. Si on descend justement au niveau moléculaire, on a entendu parler donc d'acides gras, d'oméga 3, d'oméga 6. Qu'est-ce que c'est qu'un lipide finalement, Philippe Legrand? Alors quand on regarde, puisqu'on est sur France Culture, dans l'histoire, il y a certains bouquins qui ne datent pas, enfin, de plus de 30 ans, Il y a tellement de lipides différents que la définition qui rassemblait tout le monde, c'était de dire quelque chose qui tache le papier et qui marrant. Ne s'en va pas à l'eau. Parce qu'effectivement, un lipide est insoluble dans l'eau. Et au passage, physiologiquement, on peut aussi se référer à l'histoire. Être insoluble dans l'eau, ça veut dire n'avoir aucune chance d'être pissé. Et donc, si on n'est pas pissé pour un lipide, ça veut dire que si on est dans le tissu, il va falloir, pour le faire diminuer, se dépenser. Voilà. Et c'est bien pour ça, ça rejoint l'évolution, c'est-à-dire c'est le stockage, et un stockage qui est sans fuite. On ne pourra pas éliminer le lipide si on ne fait pas, d'efforts physiques. Et c'est ça qui a donné toute sa valeur au lipide. Alors, la définition biochimique actuelle, c'est quand même un ensemble assez hétérogène, pour lesquels il y a à la fois des molécules stéroïdes, le cholestérol, il y a quelques vitamines, mais le gros de la troupe, en tout cas ce qui se voit, ce sont la base des acides gras. Donc gras à un bout, acide à l'autre, c'est des acides gras, et qui sont eux-mêmes rassemblés par trois. Sur une molécule de glycérol, c'est les triglycérides, c'est la fonction de stockage dont on a parlé. Et puis par deux, plus d'autres petites choses qu'il est peut-être inutile de citer, ce sont les phospholipides, il y a un acide phosphorique. Et là, on rentre dans le domaine des lipides plus structure. Voilà. Et de temps en temps, les acides gras essentiels donnent eux-mêmes des dérivés oxygénés. Mais comme ils sont oxygénés, ils sont plus solubles dans l'eau, donc ils sont limite déjà plus très gras. Donc c'est un monde un peu compliqué, les lipides. Mais déjà, retenir les acides gras avec leur grande variété, des longs, des courts, des saturés, etc. C'est alors, important. Justement, on peut faire un peu de catégorisation là aussi en fonction de leurs propriétés et notamment de leur configuration. Béatrice Moriot, les acides gras, il y a différents types d'acides gras pour différentes fonctions. Est-ce que vous pouvez nous aider à nous repérer un peu dans cette espèce de forêt touffue que représente l'univers des acides gras? Alors, on va commencer par les acides gras saturés. Ouais. Tout le monde en entend parler avec les huiles de palme, les huiles de coco, donc les matières grasses animales. Les acides gras saturés, ce sont des enchaînements de carbone avec des longueurs de chaîne très variables qui peuvent être de très courtes à très longues. Ça, je pense que Philippe, ça sera vraiment son grand plaisir de vous expliquer toutes les différences. Mais insaturé, c'est-à-dire que tous les carbones sont associés avec une liaison simple entre eux. Et l'acide gras va être globalement linéaire, tout droit. Après, on va avoir les acides gras mono-insaturés, c'est-à-dire qu'il va y avoir une double liaison insérée dans la chaîne carbonée. Et un exemple typique, c'est l'acide oléique qui caractérise les huiles d'olive. Il va y avoir une double liaison dans la chaîne carbonée qui va donner à l'acide gras une configuration un petit peu plus repliée, un peu plus souple que les acides gras saturés. Et puis après, on va avoir les acides gras polyinsaturés qui ont plusieurs doubles liaisons dans leur chaîne carbonée. Donc vous imaginez, à chaque fois que vous ajoutez une double liaison, vous allez ajouter une souplesse, une conformation aussi qui va changer un petit peu, qui peut être cis ou trans. Ça, c'est valable aussi pour l'acide oléique. Dès qu'il y a une double liaison, on peut tordre la liaison un peu dans tous les sens. Et dans ces acides gras polyinsaturés, on va distinguer deux grandes familles. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a les N-6 et les N-3, dont les acides gras essentiels, indispensables à notre survie, parce qu'on ne les synthétise pas en endogène, sont pour les N-6 l'acide linoléique, et pour les N-3 l'acide alpha-linolénique. C'est ça. N-6 et N-3, c'est l'équivalent d'oméga-6, ce qu'on entend, ce qu'on parle de l'oméga-6, oméga-6, oméga-3. Alors, Philippe Legrand, est-ce que vous voulez peut-être un peu compléter cette classification? Est-ce qu'il y a des acides dans ce que vient de décrire entre les saturés, les monoinsaturés, les polyinsaturés, des acides gras qui sont d'emblée plus mauvais pour l'organisme que d'autres? Alors non, il n'y a pas de mauvais acides gras à part les trans dont on va peut-être parler. Tout à l'heure, certains ce trans, sera à part à et on voilà, en parlera dans le reportage. Le sujet. Il n'y a pas de mauvais acides gras. Alors saturé, juste une précision pour les auditeurs, saturé ça veut dire saturé en hydrogène. Donc et ensuite finalement quand il y a des doubles liaisons on enlève de l'hydrogène. Et Béatrice a fort bien dit, ça met des angles dans les molécules, mais qui dit des angles dit jusqu'à la limite de l'enroulement. Ce qui fait que les polyinsaturés à très longue chaîne comme les oméga 3, c'est des vrais petits ressorts. Donc ça veut dire souplesse dans les membranes. Et donc ça veut dire en physique point de fusion beaucoup beaucoup plus bas. Donc je reviens à votre question. Les saturés ont un point de fusion très haut, donc le gras du jambon, il est solide à température même de ambiante ou même de l'animal. C'est de l'acide stéarique par exemple, c'est la température où fond la bougie, c'est quand même très élevé. Monoinsaturé un peu plus bas, et puis polyinsaturé, ça permet aux poissons de rester vivants et fluides dans les mers froides, alors qu'autrement, s'ils étaient faits d'acide gras saturé, leur membrane, ils seraient complètement rigidifiés et ils pourraient pas bouger non plus. À cause du froid, voilà. Absolument, parce qu'eux, ils sont... Ça fige plus. Oui, et puis surtout, un poisson, c'est pas un homéotherme. Donc, il vit à la température de l'eau dans laquelle il nage. Et du coup, là, les membranes ne pourraient pas survivre si elles étaient faites d'acide gras saturé. Donc, il y en a pour tous les usages, parce que dans les membranes, il y a des zones saturées, il y a des zones polyinsaturées. Alors, si on remet ça en face des aspects sources, par exemple, eh bien, dans le beurre qui se tartine, forcément, il y a une majorité d'acide gras saturé. Dans l'huile de palme qui fait les pâtes à tartiner, bah, c'est pareil, il y a des acides gras saturés, il faut que ça tienne, quoi. Et, par exemple, historiquement aussi, quand les soldats de Napoléon, alors je crois que c'est Napoléon III, disaient, mais on voudrait une matière grasse à tartiner, mais qui n'est pas le coût du beurre, puisqu'ils étaient quand même pas très riches pour acheter du beurre, et ben, nos ancêtres agronomes, les physiocrates, ils ont dit, ben, on va solidifier de l'huile végétale pour la rendre plus concrète. Et donc, ça correspond très précisément à saturer en hydrogène des doubles liaisons pour que le point de fusion, cette fois, augmente et que ça tienne sur le couteau. Donc, Ça s'appelle de la margarine. Ça s'appelle de la margarine. C'était inventé à cette période-là. Alors, pour faire simple, il n'y a pas de mauvais acide gras. Et même les saturés, ils sont pas mauvais. Ils ont tous des fonctions sans exception. Le fait qu'ils soient critiqués, c'est relativement simple. Vu qu'ils arrivent de nos excès alimentaires, animaux post-seconde guerre mondiale. Et vu surtout, mais ça n'a pas été dit historiquement, qu'ils arrivent de la transformation sucre ou alcool vers lipides, le foie qui fait ça, il va pas se donner le mal de synthétiser des monoinsaturés, il est incapable de synthétiser des oméga 6 ou des oméga 3. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait le saturé de base, qui est l'acide palmitique. Et du coup, c'est celui qui se verra en excès, mais encore une fois, il a des fonctions. Le tout, c'est à nous de pas en fabriquer trop, c'est-à-dire finalement en étant raisonnable en général ou en se dépensant plus. Et le cholestérol dans tout ça, Béatrice Morio? Alors, le cholestérol, c'est une classe de lipides à part entière. Et on va parler très simplement, on va distinguer très simplement le mauvais et le bon cholestérol. Alors, dans les maladies métaboliques, on va suivre deux catégories de lipoprotéines. Une qui va être plutôt riche en mauvais cholestérol, qu'on appelle le LDL. Pour low density. Low density lipoprotein. Et puis, le HDL, lui, va être plutôt... va porter plutôt le bon cholestérol pour high density lipoprotein. Et donc, il vaut mieux dans nos populations, dans nos pays occidentaux, avoir le moins de LDL possible et le plus de HDL possible. Mais Philippe Legrand, du coup, ces lipoprotéines, ce sont des protéines qui portent, hein, qui véhiculent, puisque comme le cholestérol, c'est un lipide, donc il est hydrophobe, donc il se mélange pas, donc il passe mal dans le liquide sanguin, donc il doit être porté. Comment est-ce qu'on fait la distinction finalement entre ce bon et ce mauvais? Pourquoi est-ce qu'il y a un bon et un mauvais alors que c'est le même cholestérol à la base? Alors l'approche de Béatrice, elle est claire, c'est une approche clinique qu'elle a décrite, c'est-à-dire c'est déjà d'histoire, mais en amont de ça. En recherche, le cholestérol, c'est une molécule extrêmement importante d'abord. C'est-à-dire, faut pas imaginer, c'était aussi la rançon de ces 50 dernières années, le cholestérol, quelle horreur, ça doit être un poison. Pas du tout. Le cholestérol, c'est donc un lipide qui n'est pas un acide gras, avec trois énormes fonctions. Un, les hormones stéroïdes, pas de cholestérol, pas de sexe, pas d'hormones sexuelles, pas de repro. Deux, les membranes, parce que dans les membranes, il y a du cholestérol, sinon on serait tout mou, en fait. Le cholestérol rigidifie les membranes. Troisième fonction rapide, la bile, c'est-à-dire la capacité de digestion, en particulier celle des lipides. Donc le cholestérol, c'est notre ami. Sans cholestérol, il n'y a pas de vie, pas de reproduction. En revanche, comme vous le dites fort justement, il est toujours, et c'est au point particulier, au point de fusion pile de la température corporelle, autour de 37. Ce qui fait que si on en a trop à traîner, il colle. Il est poisseux, c'est d'ailleurs, je ne sais pas si vous en avez déjà touché, du cholestérol, c'est poisseux comme tout. Et donc, évidemment, s'il y a un excès de présence de cholestérol. J'ai pas dit d'alimentation, on verra. Mais un excès de présence dans les artères, ça colle, ça, et finalement, ça finit par épaissir. Mais c'est pas notre ennemi. Alors effectivement, la clinique, et c'était la démonstration qu'a faite Béatrice, la clinique des années, des 50 dernières années, c'est, il y a une association entre le LDL cholestérol, celui qui vient du foie et qui va distribuer aux cellules. Ça veut dire qu'on a trop bouffé, mais pas seulement de cholestérol, parce qu'on le fabrique dans c'est le foie. C'est ça qu'il faut préciser, c'est que le cholestérol, il est endogène. Il est endogène en et en partie. C'est un quart, trois quarts. Un quart alimentaire et trois quarts endogène. Ce qui fait que les campagnes, même aux États-Unis, ils ont renoncé. La part cholestérol alimentaire, elle est complètement négligeable devant la part synthèse pour l'ensemble du public, sauf un groupe, celui qui a participé à la découverte, c'est les hypercholestérolémies familiales, où là, même l'alimentaire doit être diminué ou en tout cas surveillé. Mais pour le reste, finalement, le cholestérol, il est endogène. Et on, chez le rat, on sait très bien qu'on peut provoquer une hypercholestérolémie en privant le rat de cholestérol alimentaire. C'est une alerte. Et donc, il en synthétise plein, plein, plein. Et alors, le LDL, donc, historiquement, on l'a pisté, comme l'a dit Béatrice, c'est-à-dire, c'est un marqueur d'excès. Mais d'excès de quoi? Pas de cholestérol alimentaire. D'excès d'énergie ingérée, d'origine sucre, alcool, le foie dégorge, émet des LDL partout. Le dosage HDL, par contre, c'est le retour vers le foie. Donc, historiquement, il a toujours été perçu comme le bon ou le mauvais, mais vous avez raison, c'est bien le même cholestérol, c'est l'usage finalement que notre métabolisme en fait s'il est un peu déréglé. Et le HDL, il nettoie aussi un peu les vaisseaux sanguins au passage? Il ramène le cholestérol des vaisseaux vers le foie. Donc, c'est ce qu'on appelle le circuit d'épuration. Bœuf, araignée de mer et caviar, royal d'araignée de mer, cœur de filet de bœuf de Salers, au caviar au cierre, petite quenelle au caviar pressé, galette de blé noir au navet blond, millefeuille croustillant au château Climens, 1995. Pressé de choux, cœur de bœuf et chair de tourteau, assaisonné d'un beurre fondu, cerfeuil et miel d'arbousier, une déclinaison d'asperges vertes et blanches. Le chevreau, pièce de chevreau rôti, feu d'enfer, rabat grillé, jeune fenouil et radis glacé en aigre doux. Caillette aux olives noires de Luc, cannelée à la pimpronelle et fromage de chèvre frais agrémenté d'une pâte de piment Nora. L'agneau, allaiton de l'Aveyron. Sel poêlé à l'origan, carré frotté d'un cahier de brebis en tandoori et timbale de riz à l'oseille pourpre. Escargot petit gris sauvage, lié d'un pesto de cerfeuil, feuille cigarette de chou Shanghai, panis. Deux personnes. Bien sûr, bon appétit si vous êtes à table. Il est 16h33, vous écoutez France Culture. C'était la voix d'Al Bashung sur un morceau d'Aston Villa, Slow Food. Voilà, c'est vrai que ça met un peu l'eau à la bouche pour essayer de réhabiliter, alors pas forcément les plats en sauce, en tout cas, le gras, la graisse, les lipides, c'est le sujet de notre émission aujourd'hui. Nous en parlons avec Béatrice Morieux qui est avec nous en duplex depuis les studios de Radio France à Lyon, qui est présidente de la Société Française de Nutrition, directrice de recherche au département de l'alimentation humaine à l'INRA, et avec Philippe Legrand qui est ici avec nous à la Maison de la Radio à Paris, qui est directeur du laboratoire Biochimie Nutrition Humaine à l'Agrocampus de Rennes. Alors, maintenant que nous avons un peu fait cette cartographie hein, des différents lipides, de leurs fonctions, de leur conformation aussi, on a entendu parler tout à l'heure d'un type d'acide gras dont il va être question maintenant, notamment de cet acide gras que l'on dit donc insaturé trans. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Des acides gras, pour le coup, qui sont eux tellement mauvais, ou qui seraient en tout cas tellement mauvais que l'Organisation Mondiale de la Santé veut les interdire d'ici 2023. Oui, il faut comprendre qu'il s'agit d'une première puisque c'est la toute première fois que l'OMS veut interdire purement et simplement un ingrédient présent dans l'alimentation au niveau mondial. Pour en parler, je suis allé rencontrer Laurence Plumet, qui est médecin nutritionniste à l'hôpital Necker, pour comprendre ce que sont les acides gras insaturés trans, pourquoi il faut bien distinguer les acides gras insaturés trans naturels et ceux industriels, dans quel type de produits alimentaires on les retrouve et ce qui rend ces acides gras insaturés trans industriels donc potentiellement nocifs. Alors les acides gras saturés trans sont des acides gras insaturés, c'est-à-dire qu'ils ont des doubles liaisons, que ce soit une seule double liaison comme dans les acides gras monoinsaturés ou plusieurs doubles liaisons comme dans les acides gras polyinsaturés. Mais ce qui distingue le trans des autres acides gras insaturés, c'est qu'à la suite de traitements thermiques ou avec des catalyseurs pour modifier la consistance de la matière grasse, eh bien, la position de la double liaison va changer, ou du moins la position des branches. Il faut s'imaginer qu'une double liaison dans une molécule, c'est comme les deux rails d'un chemin de fer. Habituellement, dans un acide gras insaturé normal, autour de ces deux rails, il y a des branches. Dans la position normale, les branches sont du même côté. On parle de la position 6. Et dans la position trans, eh bien, les branches changent de côté pour être réparties à droite et à gauche. Et cette différence de changement de position au sein de la molécule, eh bien, ça change tout. Parce que du coup, la molécule n'a plus du tout le même impact sur la santé. Alors on va y venir justement à cet impact-là. Ce type d'acide gras trans, on le trouve aussi à l'état naturel, dans la viande, dans le lait. Alors qu'est-ce qui distingue un acide gras trans qu'on trouve comme ça dans la viande et dans le lait d'un acide gras trans de type un peu industriel et pourquoi ils sont plus ou moins nocifs? À l'état naturel, ce sont des acides gras trans qui n'ont pas du tout la même morphologie que ceux qui sont issus des processus industriels. On considère même que les acides gras trans d'origine naturelle, présents dans la viande et dans les produits laitiers, d'ailleurs qui sont issus d'une transformation qui se fait dans la vache après qu'elle ait mangé son herbe, donc c'est un processus de transformation tout à fait naturel, et on considère que ces acides gras ne sont pas du tout mauvais pour la santé. En revanche, dans le domaine industriel, quand il s'agit de fabriquer de la margarine, ou quand il s'agit d'intégrer de la matière grasse dans un produit, des gâteaux, des biscuits ou des viennoiseries, et qu'il faille que ces graisses soient très stables et solides, eh bien, l'homme a inventé des procédés industriels qui s'appellent l'hydrogénation. Et le fait d'hydrogéner, c'est-à-dire de soumettre à une température importante en présence de catalyseurs, ça casse les doubles liaisons et ça les fait passer d'une position 6 à une position trans. Et ce sont ces molécules-là qui posent problème dès lors qu'elles sont consommées en quantité excessive. Alors on va revenir un petit peu sur ces effets. Je voudrais, d'un point de vue historique, revenir un petit peu à l'origine de ces acides gras trans industriels. À partir de quand est-ce qu'ils sont apparus dans les produits de consommation alimentaire et pourquoi finalement ils ont fleuri comme ça un petit peu dans notre alimentation ? En fait, ils sont apparus dès lors que l'homme a appris à fabriquer des produits de type, enfin, dans la biscuiterie, dans la viennoiserie, et quand l'homme a commencé à faire des margarines. Parce qu'en fait, le principe de la margarine, c'est de passer d'une huile liquide à une matière grasse solide. Donc, ce sont des process industriels qui ont été créés. Et au départ, je pense qu'ils n'avaient absolument pas du tout idée de la formation des acides gras trans. Et c'est ensuite, quand on s'est rendu compte que ces acides gras trans n'avaient pas un effet bénéfique sur la santé quand ils sont consommés en quantité excessive, que les industriels se sont attachés à modifier leur process industriel, parce que l'objectif, c'est quand même pas d'empoisonner le consommateur. Bon, donc dans les années 1990, les margariniers ont commencé à revoir les process industriels, ce qui fait que maintenant, dans les huiles raffinées et dans les margarines, il n'y a quasiment plus d'acides gras trans. Les fabricants de biscuits aussi, à partir des années 2000, ont revu leur process industriel pour diminuer considérablement la présence d'acides gras trans dans leurs produits. Maintenant, on est, dans la plupart des biscuits, on est à moins d'un gramme d'acides gras trans pour 100 grammes de produits. Ça veut dire que quand on consomme un biscuit de 20 grammes, on est à 0,2 grammes d'acides gras trans, qui est très très faible. Malgré tout, il reste encore des produits dans lesquels il y a probablement encore trop d'acides gras trans. Je pense aux viennoiseries, aux pâtes feuilletées. Il est certain que les industriels peuvent encore mieux faire dans cette catégorie de produits pour baisser de plus en plus les teneurs en acides gras trans. Ça, c'est un objectif vers lequel il faut tendre, pour poursuivre la recommandation de l'OMS d'ailleurs. Hein. On va arriver à cette recommandation de l'OMS. L'OMS veut interdire purement et simplement les acides gras trans dans l'alimentation d'ici 2023. C'est une première, puisque c'est la première fois qu'on veut interdire purement et simplement un ingrédient alimentaire. Alors pourquoi l'OMS veut interdire ça? Pour quelles raisons de santé et quelles conséquences sur la santé ce type d'acide gras peut avoir? L'OMS réagit comme ça parce que c'est à l'échelle mondiale. Nous, en France, on consomme relativement peu d'acides gras trans. On est à moins d'un gramme 5 par jour, ce qui est quand même beaucoup plus faible que les niveaux de consommation qu'on enregistre en Amérique du Nord, par exemple, aux États-Unis, et également en Europe du Nord. Hein. Mais néanmoins, l'OMS fait un bon choix. On a vraiment tout intérêt à en consommer le moins possible, ce qui est déjà le cas chez nous. Alors, quels sont les seuils? On s'est rendu compte que les acides gras trans augmentaient le risque de maladies cardiovasculaires en montant le taux de mauvais cholestérol et en baissant le taux de bon cholestérol dès lors qu'on en consomme à raison de plus de 2% de l'apport énergétique total, ce qui représente un apport quotidien de plus de 3, 4 ou 5 grammes par jour. Je dois dire qu'en France, on est à peu près à 2-3 grammes. Vous voyez, on est à la moitié du seuil maximal considéré comme étant délétère. Voyez, donc on n'a pas trop à s'inquiéter en France. Mais moi, je pense qu'il faut mettre le paquet sur les industriels et les obliger surtout à s'approcher du chiffre zéro le plus possible. Il y a des alternatives. C'est tout à fait possible. Alors justement, ces alternatives, quelles sont-elles? Par quoi on peut remplacer ces acides gras trans dans les produits de consommation alimentaire? Eh bien, je vais vous étonner, mais le fait d'avoir du beurre dans des biscuits ou dans des gâteaux, ben, il n'y a pas d'acide gras trans. Alors, bien évidemment, les industriels ont déjà commencé à retravailler leurs formules et leurs ingrédients et les matières grasses utilisées pour la fabrication de ces produits. Eh bien, je vais vous surprendre, mais l'huile de palme, c'est une excellente matière grasse végétale qui permet justement de ne pas avoir d'acide gras trans. Parce qu'elle contient des acides gras saturés, certes, mais ils sont remarquablement stables et donc l'industriel n'a pas besoin d'ajouter des catalyseurs pour augmenter la stabilité de la matière grasse dans le produit. Évidemment, l'huile de palme, le problème qu'elle pose, il n'est pas d'ordre nutritionnel, mais en revanche, le problème, il est d'ordre respect de l'environnement, et c'est aux pays producteurs d'huile de palme de prendre leurs responsabilités et d'éviter de déforester et d'agresser la nature. Voilà le reportage du jour sur ces acides gras trans, insaturés, industriels. Votre réaction à l'un et à l'autre, à Philippe Legrand, pour commencer? Les lipides, c'est compliqué. Il y a des bons trans, des mauvais trans, comme l'a dit Laurence. Pour moi, c'est un problème résolu. Donc, c'est vraiment, on a l'impression que peut-être la société a encore besoin de trouver un problème toxicologique dans le domaine des lipides. C'en était un léger d'ailleurs, hein, comme l'a dit Laurence. C'était bon, il y avait un petit effet sur les maladies cardiovasculaires, mais attention, c'était pas un poison non plus. Ça a été réglé en France et quasiment en Europe. Donc, franchement, pour la France, c'est plus un sujet. Et le petit trait d'humour, c'est effectivement que l'huile de palme a réussi à en partie à solutionner ça. Et donc, c'est toujours pareil. C'est avec les dégâts gigantesque que l'on connaît sur l'environnement, sur le climat, sur la forêt. Ça, c'est pas de la nutrition. Non, mais c'est un problème dont on ne peut pas faire Et la façon, l'économie. La façon industrielle de ne plus avoir d'acide gras trans, c'est-à-dire c'est de ne plus hydrogéner chimiquement, mais de remplacer des acides gras polyinsaturés, des huiles, par des acides gras saturés, d'autres huiles. Donc c'est un remplacement direct, ça coûte un petit peu plus cher. C'est pour ça que les margariniers se sont fait un peu tirer l'oreille, mais il y a une dizaine d'années. Donc pour nous, c'est plus un sujet. C'est réglé. Béatrice Morio. Non, je dirais avec du beurre, c'est bien meilleur. Et surtout quand le beurre provient de d'animaux qui ont été élevés dans des conditions saines, en pâturage, avec un accès à de l'herbe fraîche et du bon foin. Ce beurre-là contient effectivement des acides gras saturés qui lui donnent la texture et cet intérêt pour la transformation alimentaire. Mais il contient aussi beaucoup d'acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, notamment des trans laitiers, puisque plus l'animal, la vache, a accès à l'herbe, et plus elle va produire de d'acides gras trans laitiers qui n'ont rien à voir avec ces acides gras trans d'origine industrielle, qui n'ont pas d'impact délétère pour la santé, et ce sont des produits excellents pour la santé. Mmh. On a d'ailleurs des collègues lyonnais qui l'ont joliment démontré il y a peu de temps de ça. Donc du beurre, oui, mais du beurre bio élevé en plein air et pas du beurre en batterie. Alors cela dit, la biologie rejoint la physico-chimie, voilà. Parce que les margariniers, ils hydrogénaient pour augmenter le point de fusion. La vache, elle fait pareil, c'est-à-dire elle met des hydrogènes pour saturer des doubles liaisons. Mais effectivement, au lieu que ce soit fait avec de l'acide sulfurique et des catalyseurs à haute température, là, ce sont des enzymes du rumen. Donc c'est bien le rumen qui nous les fabrique, et dans ce cas-là, on peut les consommer. Est-ce qu'il est vrai aujourd'hui que nous mangeons encore, ici en Europe occidentale, disons, trop gras, Philippe? Alors, ça c'est une question très très délicate, mais en même temps il faudrait que les auditeurs comprennent une fois pour toutes que tout est une question de dose. Je m'explique. Pour les recommandations ANSES que j'ai eu l'honneur de présider pendant de si longues années, la part de lipides en pourcent de l'énergie totale, elle est très bien, puisque le chiffre officiel c'est 35 à 40, et l'un cas 3... 35 à 40% des apports caloriques journaliers. Exactement. En lipides. Et les études 1K2, 1K3 ont montré qu'on était en gros à 38. Qui sont des études épidémiologiques très vastes. De consommation. Même Philippe, les dernières données montraient plutôt proche de 35. Hein. Voilà. Bon, bah, ouais. Donc ça veut dire qu'on peut gagner quelques points. C'est pas le problème. Par contre, le problème, c'est un autre message qui est pas facile à passer, c'est quand quelqu'un bouffe trop ou qui ne s'agite pas assez, probablement en masse, il va manger trop d'énergie, de sucre, d'alcool et aussi de lipides. Autrement dit, ça pose la question, en santé publique, on peut dire en matière de pourcentage de lipides, tout va bien. Mais par contre, en santé individuelle, le patient face à son médecin, entre quatre yeux, qui lui dit, ou à sa diététicienne, il lui dit voilà ce que je mange, il peut lui dire tu manges trop de lipides, ou tu manges pas assez de lipides, mais tu manges beaucoup trop de glucides, ou trop d'alcool. Et donc, c'est ce message-là qui est un peu confusant, comme on dit. Autrement dit, en pourcentage d'énergie, tout va bien. En masse ingérée par rapport à ce qu'on dépense individuellement, il y a encore des tas de gens qui sont pas OK. Mais c'est pas de la santé publique, c'est de la santé individuelle. Et donc, il faut former les diètes. Béatrice Mario. Alors moi, j'aimerais revenir juste sur un petit point par rapport à la quantité de lipides. Je suis entièrement d'accord avec ce que Philippe vient d'énoncer. Il y a quand même encore un petit problème de qualité en France qu'on peut facilement corriger. C'est pas bien compliqué. C'est-à-dire qu'on a un apport en lipides qui est tout à fait satisfaisant par rapport aux recommandations de santé publique, mais dans la proportion de la qualité des acides gras dans nos assiettes, on pourrait corriger un petit peu mieux l'équilibre en oméga 3 en augmentant un petit peu la consommation d'huile comme l'huile de colza ou l'huile de noix, qui permettrait d'augmenter un tout petit peu cet apport en N-3 aujourd'hui encore un peu déficitaire en France. Je dirais sur le plan de la qualité, on peut faire encore un tout petit peu mieux par rapport à ce qu'ont fait nos aînés. Ou les sardines à l'huile. Oui. Alors, les sardines à l'huile, bien sûr. qui sont très riches en oméga 3 ou les saumons gras. Il y en a aussi d'ailleurs dans les légumes pour nos amis végétariens ou véganes qui ne veulent pas manger de poisson. Alors là, c'est un problème. Je dirais même plus fort que Béatrice, elle a tout à fait raison. C'est un déficit, c'est pas un petit réglage. Hein. C'est un déficit, il n'en reste pas beaucoup, on est sûr et bien alimenté. Il y a trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, c'est ça? Alors ça a été réglé. C'est ce que je disais il y a 20 ans. Effectivement, c'est réglé parce que la sélection végétale a donné de l'huile de tournesol avec moins de linoléique. Donc si vous regardez 1K3, à nouveau, ces études de consommation, en oméga 6, ça y est, c'est bon. Vous entendrez quand même ces messages-là par les institutions internationales parce que c'est pas le cas aux États-Unis, c'est pas réglé. Mais en France, nous, c'est pratiquement réglé. Il reste quand même ce déficit, il y a quelques déficits en nutrition, il y a le fer chez la femme enceinte, la vitamine D à peu près chez tout le monde, mais oméga 3, ça y est pas. Alors, pour répondre à votre question, les oméga 3, c'est une famille, comme souvent le précurseur est végétal, mais les dérivés actifs sont ceux de l'animal, c'est-à-dire ce qu'on va fabriquer pour notre cerveau, etc. Le problème, c'est que la fabrication des dérivés à partir du précurseur est trop faible. Autrement dit, même nos amis végétariens, s'ils prennent seulement le précurseur végétal présenté par Béatrice tout à l'heure, l'alpha-linolénique, ils n'auront pas assez de DHA dans le cerveau. Et c'est très grave. Alors, c'est très grave. Oui, en fait, on peut. Enfin, c'est des sujets de nutrition de luxe de notre siècle. Hein, c'est-à-dire, il n'y a pas mort d'homme. Mais vu ce qu'on voit, et c'est le sens de pratiquement toutes les études oméga 3 maintenant, c'est de se tourner vers le cerveau, et qui dit cerveau dit vieillissement. Vu ce qu'on voit sur le vieillissement, le statut en DHA, donc cet oméga 3 très long qu'on ne trouve que dans les règnes animales, c'est-à-dire les poissons principalement, et puis d'autres éventuellement, cet acide gras-là est une des molécules les plus corrélées quand il manque à la maladie d'Alzheimer et aux dégénérescences neuronales. Donc c'est un vrai sujet de vieillissement, c'est le déficit en oméga 3, c'est pour ça que dans le cadre ANSES, c'était dit comme un déficit et un conseil, puisque nos apports sont en dessous de la moitié des besoins. Là, c'est du sérieux sur l'ensemble de la population. Et s'agissant de végétariens, là, on n'a pas d'issue là. Peut-être un mot tout de même sur ces questions-là. Les recommandations, quand on dit 35% de lipides, enfin, c'est aujourd'hui ces recommandations, qu'elles soient de l'ANSES ou de l'OMS, ou augmenter les oméga 3. Enfin, prendre un parti un peu personnel, mais c'est relativement illisible aujourd'hui, Béatrice Morio. C'est-à-dire que moi, je serais incapable de quantifier, à moins d'avoir une calculatrice et de regarder les étiquettes de mes produits. Et je pense qu'il y a des gens qui le font. C'est très bien, mais c'est encore très très compliqué aujourd'hui d'estimer si ma nourriture me garantit d'un apport suffisant et en lipides et en glucides et en protéines, et si ce sont les bons oméga 3. Ça devient un casse-tête complet. Mais est-ce qu'on a besoin de calculer à chaque fois au c'est jour la question que jour, je vous pose. De prendre la calculatrice, etc. C'est la question que non, je vous pose. Mais ce qu'on voit, c'est avec les résultats des enquêtes 1K2, 1K3, c'est que globalement, la population française a une alimentation équilibrée pour peu qu'elle soit variée et qu'elle ne soit pas trop restreinte en certains groupes d'aliments. Mais globalement, avec notre alimentation, notre gastronomie française aujourd'hui, sans qu'on rentre dans l'excès, qu'on mange raisonnablement, on répond aux attentes nutritionnelles, un équilibre en glucides, en lipides et en protéines. Ça, à chaque fois, on voit dans les enquêtes, on est à 15% de protéines, à peu près 35% de lipides et le reste en glucides. Donc, pas besoin de sortir une calculatrice et de se dire à chaque fois, est-ce que j'ai besoin de rajouter une cuillerée d'huile d'olive? Mangeons sainement et raisonnablement. Néanmoins, les cas d'obésité, de diabète de type 2 sont en augmentation en France comme dans les autres pays. Oui, mais c'est pas lié forcément aux lipides. Je voulais dire un mot sur C'est là-dessus que j'aimerais vous entendre, voilà. Justement, Philippe Leblanc. Les recos, elles sont faites par des scientifiques, donc c'est forcément des molécules, ne serait-ce que juridiquement, parce que si on commençait dans les recos de l'ANSES à parler aliments, eh ben, on fâcherait certains, on défâcherait d'autres, donc là, on peut plus travailler. Donc les recos, elles sont pas faites pour le grand public. Le travail de l'ANSES, c'est pour les professionnels de santé et surtout pour les industriels qui, du coup, orientent les aliments de demain. Ça peut être traduit par des diététiciennes vis-à-vis des individus. Ou des diététiciens d'ailleurs, oui, il y en a qui nous écoutent, on les salue d'ailleurs. Pour l'aspect individuel, donc la santé individuelle. Mais la meilleure traduction, c'est un peu ce qu'a dit Béatrice, c'est-à-dire, pour être pas trop loin de ces conseils-là, c'est manger de tout et en quantité modeste. Et le problème se repose, vous l'avez souligné, c'est-à-dire quand il y a des régimes d'exclusion qui sont respectables pour des idées, les choix personnels, philosophiques oui, et ou autres. Oui, pour respecter la planète par exemple. Voilà, mais c'est une prise de risque, parce que finalement la meilleure façon de respecter notre régime d'omnivore, c'est effectivement de manger tout. Donc il n'y aura pas beaucoup de DHA dans le cerveau pour des gens qui veulent jamais manger de poisson. Donc il faut leur trouver autre chose. Ça s'appelle les compléments alimentaires, mais c'est plus tout à fait naturel. Voilà. Et alors pour aller dans le sens inverse, est-ce que par exemple réduire les graisses, l'apport en graisse animale, c'est une bonne chose dans l'ensemble, Béatrice Morio? Allô, allô? Oui, ah, oui, je réfléchis. Alors, J'ai eu peur qu'on vous ait perdu, ça arrive parfois. Donc. pardon. Non, je réfléchissais. Bon, réduire les graisses animales, aujourd'hui, en fait, ça pose surtout la question des matières grasses laitières qui vont peut-être être les vecteurs les plus importants de matières grasses animales dans notre alimentation. Mais aujourd'hui, taper sur les produits laitiers, pour moi, c'est un petit peu délicat. Ils sont pourvoyeurs d'éléments nutritionnels indispensables à notre santé. Aucune étude aujourd'hui ne montre qu'ils sont impliqués dans l'étiologie d'une pathologie occidentale, obésité, diabète de type 2, maladie cardiovasculaire. Enfin, c'est délicat de dire diminuer cette part de protéines, de lipides animales pour votre bien-être. Au contraire, moi je dirais plutôt choisissez mieux vos sources de lipides animales, choisissez bien vos produits, choisissez bien vos producteurs pour que l'équilibre en lipides de ces produits-là soit la plus optimale possible. Et puis, ça sera bon pour la santé. Animal, c'est trop global. Les poissons sont dedans. Or là, il faudrait qu'on en mange plus, donc... C'est trop simple. Est-ce qu'aujourd'hui, nos apports en glucides sont plus préoccupants que nos apports en lipides? On entend quand même beaucoup dans le discours public qu'on mange trop gras, trop salé, trop sucré. Et là, à vous entendre, j'ai l'impression que finalement, on a une alimentation extrêmement saine, qu'on est une sorte de modèle d'équilibre alimentaire, alors qu'on constate qu'il y a quand même des troubles liés, une fois de plus, et j'y reviens, à l'obésité, à l'augmentation des cas d'obésité et de diabète de type 2. Oui, alors, en fait, ce qu'il faudrait dire d'abord, et c'est peut-être ce que le PNNS n'a pas fait suffisamment sérieusement, le plan national de nutrition santé, c'est plutôt que d'aller droit sur le qualitatif, c'est de dire notre problème, c'est quand même de consommer trop d'énergie par rapport à ce qu'on dépense. Et du coup, après, le moins gras, moins sucré, moins salé, à titre personnel, et ça, la communauté lipidologue pense assez ça, ce serait actuellement peut-être moins sucré et moins gras plus tard. Voilà. Or, ça a changé. Pourquoi ? Parce qu'il y a des obésités infantiles américaines qui sont sucrées, pratiquement. Et quand vous voyez la consommation de lipides aux États-Unis, elle a toujours diminué quand l'obésité a augmenté. Donc, c'est un peu trop simple. Donc, c'est vraiment une question d'énergie totale. Mais je vais laisser Béatrice, parce qu'elle a présidé le groupe macronutriments. Et pour ce qui concerne les glucides, là encore, comme pour les lipides, faut pas mélanger les sucres avec les fibres, etc. Hein, Béatrice ? Voilà, Béatrice, tout à fait. Mario. C'est encore une question. Merci. C'est encore une question de qualité. Qualité dans les glucides. On a les glucides simples, les sucres, et puis les glucides complexes, et c'est la densité nutritionnelle de l'apport en glucides qui va être majeure, et sa richesse en fibres aussi. On sait aujourd'hui que la part de fibres dans notre alimentation est insuffisante et qu'il faudrait promouvoir la consommation de fruits et surtout de légumes pour pouvoir répondre à augmenter notre prise de fibres. Je crois qu'on est à peu près à 18 grammes de fibres par jour, alors qu'il faudrait au minimum 25 grammes et de façon optimum 30 grammes de fibres par jour pour en profiter sur le plan de la santé, avoir un impact bénéfique sur notre santé. Les fibres, en quelques mots, ce sont quel type de produits ? Les céréales ? Les céréales, les légumes, tout type de légumes, les fruits. Tout type de fibres constituant les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses, les noix. Peut-être un mot, on arrive à la fin de cette émission, mais tout de même un mot. Alors on a entendu on l'a déjà dit à ce micro, que les aliments ultra transformés, ce qu'on appelle les aliments ultra transformés, sont évidemment à bannir, qu'il vaut mieux cuisiner soi-même ses propres légumes. Ça aussi, ça demande du temps, ça peut demander aussi un peu d'argent, il y a des considérations socio-économiques derrière ça. Bref, on va pas refaire ce débat là peut-être un mot pour dire qu'il y a quand même quelques études, notamment une étude dans Nature qui a été publiée en 2017, sur un lien entre la consommation d'acides gras et l'accroissement du potentiel métastatique, un lien entre les gras, la consommation d'un certain type d'acides gras et des cancers, Philippe Legrand. Alors, dans le rapport ANSES, on avait bien indiqué que l'excès de lipides, cette fois en quantité, pas en pourcent, puisque en pourcent ça collait, l'excès de lipides était corrélé au cancer, mais c'était l'excès d'énergie, c'est-à-dire dès qu'on ajustait sur certains acides gras, ça disparaissait. Par exemple, s'il s'agit d'augmenter les oméga-3, là c'est plutôt protecteur, puisqu'ils sont plutôt inhibiteur de la croissance tumorale. Donc là encore, beaucoup de finesse. Et le message par rapport aux pathologies, que ce soit la grande prévention, qui n'est jamais qu'une prise de retard, tant mieux, vers ce qui nous, de toute façon, nous attend, c'est d'ajuster d'abord la quantité d'énergie à nos dépenses. Beaucoup de médecins disent que finalement, quand quelqu'un est hypercholestérolémique ou diabétique de type 2, donc c'est pas une maladie, c'est une maladie de pléthore, à ce moment-là, s'il fait un peu de vélo, tout retourne progressivement au vert. Donc c'est ça le problème, c'est la quantité. Tout excès d'énergie donne de l'inflammation et donc peut être lié aux maladies qui nous tueront tous. Mais à l'inverse, si vous ne mangez pas plus que ce que vous... Petit message d'espoir, les maladies qui nous tueront tous. Et pour manquer de rien, faut manger tout, surtout. C'est ça qui nous inquiète le plus par rapport au vieillissement, c'est le déficit oméga 3. Béatrice Morio, peut-être pour conclure finalement, encore une fois, et comme on l'a aussi beaucoup dit à ce micro, pas de régime miracle, c'est juste un ratio quantité d'énergie stockée, quantité d'énergie dépensée. Si on veut se débarrasser un peu de la graisse, c'est pas juste manger de tout, c'est aussi finalement faire de l'exercice, quoi. Voilà, c'est bien bouger pour ajuster sa balance énergétique. Avoir une balance énergétique neutre, c'est ne pas stocker d'excès de lipides dans le tissu adipeux et favoriser un environnement anti-inflammatoire autour de ces adipocytes. Et c'est le fait de basculer de l'anti-inflammatoire vers le pro-inflammatoire quand on prend trop de masse grasse, quand les adipocytes deviennent hypertrophiés, qu'on va là tisser la toile pour l'apparition de maladies métaboliques, de certains cancers, etc. Chez l'adulte. Chez l'adulte. Parce que chez l'enfant, il peut y aller. Voilà, merci beaucoup à tous les deux. Merci Béatrice Moriot, merci Philippe Legrand. Merci à nos camarades de Radio France à Lyon pour le duplex. Merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique. Léonore Pérez, Antoine Beauchamp, Noémie Daguette-Saint-Vulfranc, Céline Lezen, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation et Bruno Gagnère-Fontanille aujourd'hui à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique demain, nous écouterons l'espace profond nous parler et nous essaierons de comprendre ce que sont ces sursauts radio rapides dont on vient de découvrir une nouvelle source début janvier et dont l'origine reste encore très mystérieuse. Élément de réponse demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.